إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons l'explication ainsi que la traduction du livre عمدة الأحكام, un livre de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, avec l'explication de Cheikh Abdullah al-Bassam, une explication nommée Taysir al-Allam bi sharhi 'Umdati al-Ahkam. La semaine dernière, on avait commencé et terminé le chapitre des menstrues et des hémorragies, Bab al-Hayd. On a étudié plusieurs hadiths, le 39e entre autres, le 39e hadith qui est le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. La plupart des hadiths traités la semaine dernière sont quasiment tous de Aïcha radiyallahu anha, hormis le dernier qui est de Mu'adha binti Abdillah, mais qui s'est entretenu avec Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui se propose pour nous réciter le 39e hadith. تفضل. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت أن فاطمة بنت حبيش بنت حبيش أبي حبيش نعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصطحاب فلا أفطر أفأضاع الصلاة أفأدع. Il y a une différence entre afa'ada'u ou afa'ada'u. C'est deux sens différents. Afa'ada'u, c'est-à-dire est-ce que je dois délaisser. ثم اغتسلي وصلي وفي رواية ليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قبرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم, رواه البخاري ومسلم. أحسنت. طيب, الحديث 40, الحديث الأربعون, كي إيجالمون الحديث عائشة رضي الله عنها. كي سي بروبوز لما تيتي با لا خير إن شاء الله. حميد محمد, كي سي بروبوز اون بوا فار توجور لي ميم. عبد الحق, نعم, فو ريسيتي. On a dit, il faut apprendre les hadiths du professeur sallam. La récompense est grande. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فحفظها ووعاها ثم أداها كما سمعها. Qu'Allah عز وجل rend le visage resplendissant de celui qui apprend les paroles du professeur sallam, qui les comprend et qui les restitue comme il les a prises ou comme il les a entendues. حسن. عن عائشة رضي الله عنها أن حبيبة أن أم حبيبة نعم استحدت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. أحسنت. رواه البخاري ومسلم. Le 41e hadith, toujours le hadith de Aïcha radiallahu anha. Ahfan, fait Ahfad. Mais il reste Salim. فيباشرني ومحال وكان يخرج رأسه إلي والمعتكف فأغسله ومحال. نعم أحسنت بارك الله فيك. Et le 42e hadith, qui est un hadith tout court, hadith d'Aïcha également. Personne le connaît ? Naam, Hassan. An Aïcha radiallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yattaki'u fi hijri, wa ana ha'id, fayaqra'u al-Qur'an. Hassan, barakallahu fik. Et le dernier hadith, comme je l'avais dit, le hadith de Mu'adha bint Abdillah, qui a questionné Aïcha radiallahu anha. Fadal. عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكن أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أحسنت بارك الله فيك. Les frères, faut vous réveiller là, ceux qui apprennent pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faut les apprendre autant que possible. La semaine dernière on a fait 4 ou 5, c'est faisable de les apprendre en une semaine. Et ceux qui veulent, et qui d'entre nous ne veut pas que ses enfants apprennent des hadiths du professeur Asselam, apprennent du Coran, comment veux-tu que tes enfants l'apprennent alors que toi tu ne prends même pas la peine de le faire? Donc, d'apprendre la sunna du professeur Asselam est une chose importante qu'il ne faut pas négliger vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis de nos enfants. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة. Puis l'auteur, l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, entame le chapitre ou le livre de la prière. قال الشيخ البسام rahimahullah, الصلاة في اللغة الدعاء. قال القاضي عياض هو قول أكثر أهل العربية والفقهاء. وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب. والعلاقة بين الدعاء والصلاة الجزئية. فإن الدعاء جزء من الصلاة لأنها قد اشتملت عليه. وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية. La prière dans la langue arabe signifie l'invocation. Al-Qadi Iyad rahimahullah a dit, et c'est la parole de la majorité des savants de la langue arabe ainsi que des savants de l'islam. Et le fait d'appeler la prière invocation est quelque chose de connu dans la langue des Arabes. Et la relation qu'il y a entre la prière et l'invocation est que l'invocation est une partie de la prière. Que l'invocation est une partie de la prière. Ça, c'est concernant la signification linguistique. Quant à la signification juridique, à la signification islamique du mot as-salah, la prière, ce sont des paroles et des actes qui commencent par le takbir et qui se finissent par le taslim, et ses actes et ses paroles sont accompagnés de l'intention. C'est l'intention. Ses actes et ses paroles sont accompagnés de l'intention. C'est donc la définition de la prière. Si on te demande, donne-moi la définition de la prière en islam, ce sont des paroles et des actes qui commencent par le takbir, appelé takbiratul ihram, ce takbir par lequel tu entres en prière, et qui se termine par le taslim, le fait de dire assalamu alaykum à droite, ou de dire l'une des quatre façons rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ceci bien sûr précédé de l'intention, car les actes ne valent que par leur intention. Si tu fais le takbir en faisant les gestes de la prière mais sans avoir eu l'intention d'accomplir la prière, alors tu auras fait de la gymnastique, tu n'auras pas fait une prière. والصلوات الخمس احد اركان الاسلام الخمسه بل اعظمها بعد الشهادتين وثبوتها بالكتاب والسنه والاجماع فمن جحدها فقد كفر وفي مشروعيتها من الفوائد ما يفوت الحصر من الوجهه الدينيه والدنيويه والصحيه والاجتماعيه والسياسيه والنظاميه ولو ذهب الكاتب يعدها عدا لطال عليه الكلام والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين حين فرضها فبقيامها قيام الدنيا والآخرة ولها فروض وشروط ومكملات كما أن لها مبطلات ومنقصات تقدم أحد شروطها وهو الطهارة وتأتي بقية أحكامها في الأحاديث التالية إن شاء الله تعالى. Où les cinq prières sont l'un des piliers de l'islam, l'un des cinq piliers de l'islam, et c'est même le pilier le plus important après les deux attestations. La première, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré, et que son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, ou que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, et l'obligation de la prière est avéré dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète et à l'unanimité de la communauté musulmane. Celui donc qui renie l'obligation de cette prière sort alors de l'islam et devient mécréant, walayadu billah. Et dans la législation de la prière et dans le fait qu'Allah azza wa jalla ait légiféré ces prières, il y a des bénéfices qui sont presque innombrables. Des bénéfices religieux, des bénéfices liés à cette vie d'ici-bas. Il y a des bénéfices au niveau de la santé, il y a des bénéfices au niveau de la société, au niveau politique et au niveau de l'organisation. Et si un écrivain ou si une personne était amené à énumérer les bénéfices qui découle de cette prière, eh bien, il aurait énormément de choses à dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus sage des sages. Lorsqu'il a rendu obligatoire cette prière, et grâce à celle-ci, eh bien, existent les cieux et la terre. Et cette prière, elle comporte des obligations. Elle comporte également des conditions et des choses qui la rendent parfaite. Comme cette prière, il y a des choses qui l'annulent et des choses qui font rabaisser sa récompense. Nous avons vu précédemment une des conditions de la prière qui est la purification, et le reste des jugements juridiques va être cité dans les hadiths à suivre, incha'Allah ta'ala. Donc, at-tahara, la purification, est la première condition de validité de la prière. Et quelle est la différence entre la condition et le pilier? Non, ahsant. La condition, pour résumer, Lorsque tu délaisses une condition ou lorsque tu délaisses un pilier, dans les deux cas, ta prière est annulée. Ta prière est nulle. Quelle est donc la différence entre la condition et le pilier ? La différence, c'est que la condition est un acte extérieur, là si on parle de la prière, est un acte extérieur à la prière. Et le pilier est une partie de cette prière. La purification est une condition, car de faire les ablutions, ce sont des actes qui n'ont aucun, qui ne font pas partie de la prière. C'est un acte qui doit être fait en guise de préparation à celle-ci. Et si l'on prend l'exemple de la prosternation, par exemple, la sujoud, c'est un des piliers de la prière, car il fait partie intégrante de celle-ci. Et c'est la différence entre une condition et un pilier. ثم قال المؤلف رحمه الله باب المواقيت. Puis l'imam Abdul Ghani رحمه الله ouvre le chapitre des heures, des horaires de la prière. قال الشيخ البسام رحمه الله المواقيت جمع ميقات والمراد هنا المواقيت الزمانية التي هي المقدار المحدود لفعل الصلوات المفروضات وغيرها ودخول وقت المفروضة وهو الشرط الثاني من شروط الصلاة. Cheikh al-Bassam, rahimahullah, dit les horaires de la prière. C'est al-mawaqit, c'est le pluriel en arabe de miqat. Et ce qui est voulu dire par cela, c'est-à-dire les horaires ou les limites temporelles qui définissent les moments dans lesquels les prières obligatoires comme les prières surérogatoires doivent être accomplies ou peuvent être accomplies. Et l'entrée de l'heure est la seconde condition de validité de la prière. La première condition de la validité de la prière, c'est la purification. Et la seconde chose, c'est l'entrée de l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure, et après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, pour accomplir une prière obligatoire, il faut absolument que l'heure de la prière entre. Et il y a bien sûr à cela des exceptions que l'on verra au fur et à mesure de la lecture de ce livre. Al-Hadith al-Rabi'u wal-Arba'un, le 44e hadith. An Abi Amr al-Shaybani wa smuhu Sa'd ibn Iyas. قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني ولو استزدته لزادني رواه البخاري ومسلم. Son nom Abi Amr al-Shaybani et son nom est Sa'd ibn Iyas. Il dit: le propriétaire de cette maison m'a informé et il a fait un signe de sa main vers la maison de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Il dit, qui parle? Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit, j'ai questionné l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quels sont les actes les plus aimés chez Allah? Il a répondu, c'est la prière à son heure. J'ai dit, puis ensuite, il a répondu, c'est d'être bienfaisant envers ses parents. Puis j'ai dit, et ensuite, il a dit, c'est le combat dans le sentier d'Allah. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a informé de cela. Et si je lui avais demandé plus, il m'aurait donné plus. C'est-à-dire que si Abdullah ibn Mas'ud avait continué à poser ses questions, à savoir et ensuite, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas manqué de lui répondre. Gharib al-Hadith, les termes étranges du Hadith ou qui méritent explication. أولا الصلاة على وقتها يريد بها الصلاة المفروضة لأنها هي المرادة عند الإطلاق. Premièrement, la prière à son heure, quels sont les actes les plus aimés chez Allah? Le professeur Hassan dit la prière à son heure. Quelle est la prière qui est voulue ici? Est-ce toute prière ou est-ce une prière en particulier? C'est la prière obligatoire. Ici, ce qu'a voulu dire le professeur Hassan, c'est la prière obligatoire, car lorsque l'on utilise le mot prière sans donner de restriction, eh bien, l'on veut dire par là la prière obligatoire. Quand je te dis, ou quand l'on dit la prière est obligatoire pour chaque musulman, l'on parle de la prière obligatoire. Ou tout musulman doit prier, on parle de prière obligatoire. ثانياً أي استفهامية معربة وقيل إنها غير منونة مع إعرابها وذلك لتقدير الإضافة. Ici, Cheikh Al-Bassam explique le terme ayu en arabe et qu'elle est expliquée dans le sens que c'est un pronom qui est utilisé pour poser une question ou pour interroger. Et que l'on ne dit pas ayun ou que le terme ayun ne peut être ne peut faire l'objet de l'i'rab, car lorsque l'on dit ayu, il y a derrière cela un acte taqdir al-idafa, il y a un acte caché. À savoir que lorsque Abdullah ibn Mas'ud a dit au professeur sallam thumma ayyu, c'est-à-dire puis ensuite, c'est-à-dire puis ensuite, quel acte est meilleur? Puis ensuite, quel acte est meilleur? Et il s'est contenté uniquement de dire thumma ayyu, mais le fait d'avoir utilisé ayyu avec la dhamma, eh bien cela sous-entend ce qu'il a demandé précédemment, à savoir quels sont les actes les plus aimés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali. Sa'ala ibn Mas'ud radiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an at-ta'at lillah ayyuha ahabbu ila Allah ta'ala fakullama kana al-'amal ahabba ila Allah kana thawabuhu akthar faqala sallallahu alayhi wa sallam mubayyinan إن أحبها إلى الله الصلاة المفروضة في وقتها الذي حددها الشارع الذي حدده الشارع لأن فيه المبادرة إلى نداء الله والامتثال لأمره والاعتناء بهذا الفرض العظيم ومن رغبته رضي الله عنه في الخير لم يقف عند هذا بل سأله عن الدرجة الثانية من محبوبات الله تعالى قال بر الوالدين فإن الأول محض حق الله وهذا محض حق الوالدين وحق الوالدين يأتي بعد حق الله بل إنه سبحانه من تعظيمه له يقرن حقهما وبرهما مع توحيده في مواضع من القرآن لما لهما من الحق الواجب مقابل ما بذلاه من التسبب في إيجادك وتربيتك وتغذيتك وشفقتهما وعطفهما عليك فالبر بهما وفاء لبعض حقهما. Puis Cheikh Al-Bassam rahimahullah dit le sens général du hadith. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des actes d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de ces actes lequel est le plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car plus l'acte est aimé d'Allah Azzawajal, et plus la récompense est grande auprès d'Allah Azzawajal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'acte le plus aimé chez Allah, c'est d'accomplir la prière obligatoire à son heure, à l'heure qu'a défini Allah Azzawajal. Car il y a dans le fait d'accomplir la prière à son heure, il y a le fait de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment lorsque le muezzin dit « Hayya ala salah, hayya al-falah est le fait d'accomplir cette obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est un acte aimé et apprécié d'Allah azza wa jal, et donc la récompense est proportionnelle. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu aimait le bien et accourait derrière celui-ci. Il ne s'est donc pas contenté de cette première réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais a demandé plus. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le deuxième degré, à savoir l'acte après l'accomplissement de la prière obligatoire à son heure, le plus aimé d'Allah azawajal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est d'être bon envers ses parents. Le premier acte est un acte qui est dédié à Allah subhanahu wa ta'ala seul. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَيَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dit, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort sont dédiés à Allah, le Seigneur des mondes. Donc lorsque tu pries, tu ne pries que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un droit d'Allah sur toi. Et d'être bon envers tes parents, c'est le droit de tes parents sur toi. Et le droit de tes parents vient juste après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, pour montrer l'importance des parents en islam, eh bien, cite beaucoup l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala accompagnée de l'obéissance et de la bonté envers les parents, et ceci dans de nombreux versets du Coran. Ceci prouve le droit qu'ont tes parents sur toi. Et ceci, en retour de ce qu'ils ont dépensé pour toi et des efforts qu'ils ont faits pour toi et qu'ils étaient la cause de ton existence. Que ce soit eux, ou que c'est eux qui t'ont éduqué, c'est eux qui t'ont nourri, et c'est eux qui ont été doux, gentils et attendrissants envers toi. Et le fait d'être bon envers eux n'est qu'un retour d'une partie du droit qu'ils ont sur toi. Ne pense pas donc qu'en étant bon avec tes parents, eh bien tu leur auras rendu la monnaie. Non, tu n'auras rendu que quelques centimes de ces milliers d'euros qu'ils ont envers toi. ثم إنه رضي الله عنه استزاد من لا يبخل عن الدرجة الثالثة من سلسلة هذه الأعمال الفاضلة فقال الجهاد في سبيل الله فإنه ذروة سنام الإسلام وعموده الذي لا يقوم إلا به وبه تعلو كلمة الله وينشر دينه وبتركه والعياذ بالله هدم الإسلام وانحطاط أهله وذهاب عزهم وسلب ملكهم وزوال سلطانهم ودولتهم وهو الفرض الأكيد على كل مسلم فإن من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. Puis Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه ne s'est pas arrêté là et a demandé plus à celui qui n'est pas avare. Qui n'est pas avare? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas avare, quelle est-elle? Hein? C'est facile de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas avare. Non? Quelle est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas avare? Umouman, de façon générale. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusait celui qui lui demandait? Non. Les hadiths sont clairs à ce sujet, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne refusait jamais. Une fois un homme est venu lui demander je ne sais combien de têtes de bestiaux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné. Et lorsque le professeur Hassan est décédé, est-ce qu'elle a laissé des choses à sa famille? Non. Cela est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas avare. Bien au contraire, c'était une personne qui était karima, qui était généreuse, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a demandé plus à celui qui n'est pas avare, à savoir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a demandé le troisième degré de cette suite d'actes ou d'adorations qui ont le mérite d'être aimés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le combat dans le sentier d'Allah. Et c'est le point culminant de l'islam. Et c'est son pilier central. Et l'islam ne peut être tenu, ou une tente par exemple ne peut être tenue que par son pilier central. Lorsque celui-ci est défaillant, eh bien la tente est déstabilisée et elle risque de s'écrouler. Et c'est par le combat dans le sentier d'Allah que la parole d'Allah Azzawajal est la plus haute. Et c'est entre autres par ce moyen que l'islam se propage. Et par son délaissement, il y a la destruction de l'islam et la volatilisation de leur puissance. Et il y aura l'anéantissement de leur pouvoir et de leur pays. Et c'est une obligation pour tout musulman. Celui qui ne combat pas, ou celui qui ne pense pas à combattre, lorsqu'il meurt dans cet état, il meurt dans une branche parmi les branches de l'hypocrisie. Et ceci, bien sûr, est sous-entendu lorsqu'il y a un jihad, lorsqu'il y a un combat dans le sentier d'Allah qui est proclamé, alors il est du devoir de chaque musulman de combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en islam, il n'y a pas de fawda, il n'y a pas de discorde. Les choses ont été enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les choses en islam sont carrées. Il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de guerre personnelle. Tout doit être sous l'égide d'un commandant, sous l'égide d'un gouverneur. Il faut qu'il y ait un gouverneur musulman qui proclame la guerre, par exemple. Il faut que les deux côtés soient distincts, à savoir que ce soit des musulmans qui combattent des non-musulmans. Et il faut que le combat se fasse pour Allah subhanahu wa ta'ala, ni pour une personne, ni pour une terre, ni pour quoi que ce soit. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, alors il est du devoir de chaque musulman de combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que l'on constate à notre époque, tout ce qui est attentat, tout ce qui est attentat suicide, etc., etc., tout ceci ne fait pas partie de l'islam. Tout ceci est de la discorde. Allah Azza wa Jalla a interdit de se suicider. Allah Azza wa Jalla dit: "Wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima." Ne tuez pas vos personnes, car Allah est miséricordieux envers vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Celui qui se suicide à l'aide d'un morceau de fer, alors il ne cessera de se planter avec ce morceau de fer jusqu'au jour du jugement, et il restera en enfer éternellement, il n'en sortira jamais. Et celui qui s'est suicidé avec du poison, alors il ne cessera de s'administrer du poison jusqu'au jour du jugement, et il restera ainsi éternellement en enfer. Ma yu'khadhu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. Awalan, أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة في وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله وذلك بعد وجود أصل الإيمان فإن العبادات فروعه وهو أساسها. Premièrement, les actes les plus aimés, ce que l'on retient du hadith, c'est que les actes les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est la prière à son heure. Puis, c'est d'être bon envers ses parents, puis, c'est de combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, bien sûr, après que la personne ait la base de la foi, qui est al-tawhid, qui est l'attestation qu'il y a de vraie divinité, qui ne mérite d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Et toutes ces adorations viennent après, où elles sont les branches de cette foi. Quant à la base de la foi, c'est bien sûr les deux attestations. Thaniyan yuqsadu aw yaqsidu bi hadha as-su'al al-a'mal al-badaniyya biqarinati takhsis al-jawab bis-salati wa birr al-walidayn wal-jihad wa lam yadkhul fi as-su'al wa la jawabihi shay'un min a'mal al-qulub allati a'laha al-iman. Deuxièmement, lorsque Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a posé ces questions, eh bien, étaient sous-entendus les actes que l'on fait avec les membres du corps. Et la preuve est que le professeur sallam a répondu par la prière, par la bonté envers les parents et par le combat dans le sentier d'Allah. Et ni dans les questions, ni dans la réponse, il a été fait allusion aux actes du cœur, et l'acte le plus important des actes du cœur, c'est bien sûr la foi. C'est bien sûr la foi. Thalithan, inna al-a'mal laysat fi darajatin wahidatin fil afdaliyya, wa innama tatafawatu hasab taqribiha min Allah wa naf'iha wa maslahatiha, fa sa'alahu 'amma yanbaghi taqdimuhu minha. Troisièmement, on déduit de ce hadith que les adorations ne sont pas toutes au même niveau et qu'il y a des adorations qui sont meilleures que d'autres. Et plus tu te rapproches d'Allah et plus il y a un bénéfice dans cette adoration, et bien plus elle est meilleure auprès d'Allah Azza wa Jal. Et c'est parce que les actes ne sont pas au même niveau que Abdullah ibn Mas'ud a demandé au professeur sallam quel est le meilleur de ses actes ou quelle est la meilleure de ses adorations. Rabi'an, inna al-a'mal tafdulu 'an ghayriha min ajli mahabbati Allah laha. Quatrièmement, que les actes diffèrent par rapport à l'acte le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal. Plus Allah aime un acte et une adoration, et plus elle est meilleure. Khamisan, ithbat sifati al-mahabbati lillah ithbatan yaliqu bi jalalihi. Cinquièmement, il y a dans ce hadith l'attestation que d'un caractère de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah azza wa jal aime. Allah azza wa jal aime, de même qu'Allah azza wa jal déteste. Et qu'Allah azza wa jal aime est une de ses caractéristiques qui est propre à lui subhanahu wa ta'ala. Et la règle dans tous les noms et attributs d'Allah azza wa jal, c'est que nous attestons ce qu'Allah a attesté à lui-même ou que lui a attesté son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, sans nier, sans falsifier et sans faire ressembler et sans comparer. Donc, Allah Azza wa Jal aime, mais il n'aime pas comme ses créatures. Sadisan, fadlu as-su'ali 'an al-'ilm, khususan al-ashya' al-hamma, faqad afada hadha as-su'al naf'an 'azima. Sixièmement, le mérite de demander et de poser des questions sur la science, et de façon plus précise, les choses, de poser des questions sur des choses importantes. Car ces questions de Abdullah ibn Mas'ud ont été extrêmement bénéfiques et ont appris et ont enseigné par la suite à la communauté musulmane que la prière, entre autres, est l'acte le plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi'an, tarku ba'd as-su'al 'an al-'ilm لبعض الأسباب كمخافة الإضجار والهيبة من المسؤول. Septièmement, le fait de délaisser certaines questions sur la science pour certaines causes, et parmi ces causes, par exemple, la peur d'ennuyer la personne, de lasser la personne, ou par exemple, la force de caractère de la personne que tu questionnes. Autrement dit, Afwan. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a posé combien de questions au professeur sallam ? 3. Et il a dit, si je lui avais posé plus de questions, il m'aurait répondu. Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud n'a pas posé plus de 3 questions ? Soit parce qu'il ne voulait pas ennuyer le professeur sallam, ou soit parce qu'il avait peur que le professeur sallam se lasse de lui à force de poser des questions, ou soit parce qu'il avait un tel respect envers le professeur sallam et que le professeur sallam dégageait une telle force qu'il ne pouvait pas poser plus de 3 questions. Et ça, on le voit. Ça, on peut le constater à notre époque. Tu peux très bien avoir des milliards de questions dans ta tête, et lorsque tu te trouves devant un savant dont tu as entendu parler, dont tu as lu les livres, eh bien tu te mets à bégayer, et c'est à peine si tu peux terminer la première question, car tu as du respect envers lui, tu connais sa valeur, etc., etc. Faïda. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة في الأعمال عدة مرات وكان صلى الله عليه وسلم يجيب على ذلك بما يناسب المقام ويصلح لحال السائل ولذا فإنه تارة يقول الصلاة في أول وقتها وتارة يقول الجهاد في سبيل الله وتارة يقول الصدقة وذلك على حسب حال المخاطب وما يليق به ولا شك أن هذه الأجوبة أن هذه أجوبة الحكمة والسداد وفتاوى من يريد العمل والصالح العام فإن الدين الإسلامي دين الواقع في أحكامه وأعماله لذا ينبغي أن تكون المفاضلة بين الأعمال مبنية على هذا الأساس فإن لكل إنسان عملا يصلح له ولا ينجح إلا به فينبغي توجيهه إليه وكذلك الوقت يختلف فحين تكون الصدقة أفضل من غيرها كوقت المجاعات والحاجة وتارة يكون طلب العلم الشرعي أنفع للحاجة إليه وكذلك وظائف اليوم والليلة فساعة يكون الاستغفار والدعاء أولى من القراءة وساعة أخرى تكون الصلاة وهكذا. Puis il y a une remarque de Cheikh Al-Bassam رحمه الله تعالى. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné à plusieurs reprises sur les actes ou sur des adorations lesquelles sont meilleures que les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait selon les cas et selon les situations qui étaient présentes devant lui sallallahu alayhi wa sallam, et également il répondait selon ce qu'il voyait de plus bénéfique pour le demandeur. Ainsi, le professeur sallam, de temps en temps, lorsqu'on lui demandait quel était l'acte le plus aimé chez Allah, ou quel est l'acte le meilleur, des fois il disait c'est la prière au début de son heure, des fois il répondait sallallahu alayhi wa sallam que c'est le combat dans le sentier d'Allah, des fois il disait que c'était l'aumône, et ainsi, selon les différentes situations et le cas ou la nature du demandeur. Il n'y a aucun doute que toutes les réponses du professeur sallam sont la sagesse même, et que la réponse que donne le professeur sallam dans ces différents cas est la meilleure réponse qui puisse être donnée au meilleur moment et à la personne adéquate. Ainsi, les réponses du professeur sallam sont des réponses concrètes, des réponses de celui qui veut le bien de tous, car la religion musulmane est une religion concrète dans ses jugements et dans ses adorations. Ainsi, le mérite entre les différentes adorations en islam doit avoir une relation avec cette base, à savoir que chaque être humain ou chaque musulman a des actes qui lui sont plus appropriés que d'autres. En fonction de la personne qui vient te poser la question « Quel est le mieux pour moi ?» Eh bien, réponds-lui selon sa situation. Si tu vois que c'est un jeune, par exemple, dis-lui « Apprends ta religion. Apprends l'arabe. Apprends le Coran. Apprends le hadith, etc. » Cela va te permettre d'évoluer. Si c'est une personne âgée qui vient te voir et qui est analphabète, par exemple, et qui te dit « Quel est le mieux pour moi ?» Dis-lui. Le mieux pour toi, c'est de faire tes prières à l'heure, de demander à Allah Azzawajal qu'il te pardonne, etc., etc. À quoi bon ou à quoi sert de dire à une personne âgée, analphabète, va apprendre la science religieuse, le mérite de la science, c'est quelque chose d'immense et de grandiose, il y a beaucoup de hadith à ce sujet, il faut que tu apprennes la religion, je te conseille tel livre et tel livre de tel savant. Qu'est-ce que Mskin, ce vieillard, il va apprendre dans ce livre? Quand est-ce qu'il va apprendre à lire? Quand est-ce qu'il va apprendre à écrire? Ce n'est pas le moment pour lui d'apprendre à lire et écrire pour lui. Le moment est de quitter cette vie d'ici-bas en adorant Allah subhanahu wa ta'ala et de mourir en ayant demandé à Allah azzawajal de lui pardonner tout ce qu'il aurait pu faire durant son existence. Donc, les actes ou le mérite des actes diffèrent également en fonction des personnes. C'est ce qu'a dit Cheikh Al-Bassam, rahimahullah. Il dit tout dépend tout d'abord de la personne, mais tout dépend du moment. Il y a par exemple des moments dans lesquels de donner l'aumône est mieux que de faire autre chose. Par exemple, dans les moments de famine, ou dans les moments de catastrophe, lorsque les musulmans sont touchés d'une catastrophe, ou lorsqu'ils sont touchés d'une famine, et qu'une personne vient te dire « Quel est le mieux pour moi à faire ?» ou « Qu'est-ce que je peux faire de mieux ?» Eh bien, dis-lui, donne en aumône. Fais des sadaqats. Si on est dans une époque de famine, nourris les personnes que tu peux nourrir. Il y a d'autres moments où, par exemple, la science religieuse est ce qu'il y a de mieux à faire. Si on est dans un pays ou dans une ville où il n'y a pas de prêcheur, par exemple, où il n'y a pas d'imam, où il n'y a pas assez de personnes pour faire les khutab jumu'ah, ou pour prendre en charge une mosquée, et que des jeunes viennent te demander quel est le mieux pour moi, ou qu'est-ce que je peux faire de mieux, dis-lui, apprends la science religieuse. Justement, on a besoin de prêcheurs, on a besoin de personnes qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, durant les actes des jours, et du jour et de la nuit, il y a certaines heures où il y a des moments où le fait de faire l'istighfar, de demander à Allah Azzawajal de te pardonner et d'invoquer Allah Azzawajal est mieux que de lire le Coran. Et des fois, de lire le Coran est mieux que de faire les autres choses. Ainsi de suite, le musulman jauge en fonction des personnes et en fonction des situations et en fonction des moments lequel des actes est le meilleur à accomplir. Wallahu a'lam. Al-Hadithu al-Khamisu al-Arba'un. Le 45e hadith. عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. رواه البخاري ومسلم. Le 45e hadith. Selon Aïcha radiallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait ou accomplissait la prière de l'Fajr et assistait avec lui des femmes parmi les croyantes qui étaient enveloppées dans leurs étoffes. Puis, elles retournaient à leur maison, personne ne les reconnaissait à cause de Al-Ghalas. Et Al-Ghalas, on avait déjà vu ça dans les cours de l'Ouajiz, qui s'en rappelle? Non? La noirceur de la nuit. C'est la moitié de la réponse. C'est le mélange entre l'obscurité de la nuit et les lueurs de l'aube. C'est Al-Ghalas. Donc c'est lorsque l'obscurité est mélangée à la lumière, mais l'obscurité reste la plus conséquente, reste la plus importante. Pour cela qu'elle n'était pas reconnue. Lorsqu'elle sortait, on ne distinguait pas leur visage. Ils ne faisaient pas assez jour pour pouvoir distinguer leur visage. قال المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتلفعات ملتحفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. المروط qui sont des vêtements avec des traits ou des lignes qui sont en soie et elles peuvent être en laine également. Mutalafi'at en arabe qui signifie multahifat, qui signifie en français enveloppé. Walghalas, comme on l'a vu, c'est le mélange de la luminosité de l'aube avec la noirceur de la nuit. Gharib al-hadith. أولا معلمة بفتح اللام وتشديدها. ثانيا الغلس بفتح الغين المعجمة واللام. ثالثا بمروطهن المرط بكسر الميم كساء مخطط بألوان، وزاد بعضهم أنها مربعة. رابعا متلففات أي غطين أبدانهن. Donc les termes qui méritent explication, Mu'allama, ce sont des vêtements qu'elle portait qui avaient des traits de couleur qui étaient en soie ou en laine. Mutalafi'at, elles étaient enveloppées, c'est-à-dire qu'elles recouvraient leur corps ainsi que leur tête de cette étoffe. Et certains savants ont dit que ces étoffes qu'elle portait, ou avec lesquelles elle se recouvrait, étaient des étoffes carrées. Yani, elles étaient en forme de carré. Al-ma'na al-ijmali. Tadhkuru Aisha radiallahu anha anna nisa' as-sahaba kunna yaltahifna bi'aksiyatihinna wa yashhadna salat al-fajr ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma yarji'na ba'da as-salati ila buyutihin. وقد اختلط الضياء بالظلام إلا أن الناظر إليهم لا يعرفهن لوجود بقية الظلام المانعة من ذلك. Le sens général du hadith. Aïcha radiallahu anha rapporte que les femmes des compagnons radiallahu anhun s'enveloppaient avec une étoffe de tissu et assistaient à la prière de l'Fajr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis après la prière, elle retournait chez elle, et l'obscurité était mélangée à la luminosité, sauf que celui qui les regardait ne pouvait les reconnaître, car l'obscurité était présente, car il y avait une obscurité présente qui empêchait ou qui ne permettait pas de les reconnaître. Ikhtilaf al-ulama. La divergence des savants. اختلف العلماء في الأفضل في وقت صلاة الفجر فذهب الحنفية إلى أن الإسفار بها أفضل لحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال الترمذي حسن صحيح. وذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة إلى أن التغليس بها أفضل لأحاديث كثيرة سلام الله منها حديث الباب وأجاب عن حديث أسفر بالفجر إلى آخره بأجوبة كثيرة وأحسنها جوابان. أولا فإما أن يراد بالأمر بالإسفار تحقق طلوع الفجر حتى لا يتعجلوا فيوقعونها في أعقاب الليل ويكون أفعل التفضيل الذي هو أعظم جاء على غير بابه وهو يأتي لغير التفضيل كثيرا. وثانيا ما أن يراد بالإسفال إطالة القراءة في الصلاة فإنها مستحبة وبإطالة القراءة لا يفرغون من الصلاة إلا وقت الإسفار. La divergence des savants concernant ce hadith. Les savants ont divergé sur l'heure de l'Fajr, laquelle est la meilleure. Certains savants parmi Al-Hanafiya disent que Al-Isfar est l'heure la plus recommandée pour Al-Fajr. Qu'est-ce que l'Isfar ? Naam ? Aïwa ? Qui signifie ? Naam. Lorsque le soleil commence à jaunir, ou lorsque le jaune apparaît à l'horizon. Et vous savez que le soleil, lorsqu'il se lève, il a une couleur extrêmement jaunâtre, et avant de se lever, la couleur du soleil apparaît déjà à l'horizon. Il n'est pas encore levé, mais le jaunâtre est visible dans le ciel. Et Al-Hanafi, il y a certains parmi ses savants, ont dit que le mieux, c'est de faire la prière à ce moment. Or, Al-Isfar, il apparaît quand par rapport à l'heure de l'Fajr? Au début, au milieu, à la fin? Vers la fin. Et ils utilisent pour preuve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Tirmidhi et autres. Asfiru bil-fajr, fa'innahu a'zamu lil-ajr. C'est-à-dire, accomplissez le Fajr pendant Al-Isfar, pendant que le ciel est jaune, car cela apporte une récompense plus grande encore. C'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam emporté par Ashab al-Sunan, et c'est un hadith authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ça c'est l'avis de Al-Hanafiyya, et l'ensemble des savants, ou la majorité des savants, parmi eux les trois imams, c'est-à-dire les trois imams hormis l'imam Abu Hanifa, eux considèrent que At-Taghlis est la meilleure heure pour accomplir Al-Fajr. Autrement dit, le début de l'heure de Al-Fajr, lorsque l'aube apparaît. Et on avait vu qu'il y a deux types d'aube, il y a l'aube mensongère et l'aube véridique. Quelle est la différence entre les deux ? Naam ? Oui, il y en a un, lequel ? Non. Le faux, les lueurs sont verticales et le vrai, et la vraie aube, elle se propage de façon horizontale. Ça, c'est une des différences. Et la deuxième, la première, où le fajr mensonger est suivi d'une obscurité, et le fajr véridique, lui, n'est pas suivi d'obscurité. Au contraire, lorsque l'aube véridique apparaît, eh bien le ciel ne cesse de s'éclaircir jusqu'à ce que le soleil se lève. C'est la différence entre Al-Fajr al-Sadiq ou Al-Fajr al-Kadhib. Et lorsque justement Al-Fajr al-Sadiq apparaît, cette lumière, eh bien c'est là où la lumière du jour commence à se mélanger avec l'obscurité de la nuit. Autrement dit, c'est l'entrée de l'heure de Al-Fajr. Et c'est ce que les savants appellent Waqtul Ghalas ou At-Taghlis. Et c'est l'avis de la plupart des savants, à savoir que la meilleure heure pour faire Al-Fajr, c'est le début de celle-ci. Et ils ont répondu au hadith Asfiru bil Fajr, fa'innahu a'zamu lil ajr. Ils ont répondu de deux façons, ou ils ont répondu en utilisant deux arguments. Le premier, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par là le fait d'être sûr d'accomplir Al-Fajr. Le fait d'être sûr d'accomplir Al-Fajr est pour prendre le moins de risques de prier alors que l'heure n'est pas entrée. Et la deuxième réponse qui est, ou le deuxième argument qui est le plus utilisé chez les savants pour répondre à cette ambiguïté ou pour rassembler les hadiths. Car vous le savez que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont jamais en contradiction. C'est la parole des menteurs. Comment est-ce que l'on reconnaît un menteur? Il se contredit. Il invente des choses qui ne sont pas vraies, et au fur et à mesure du temps, ou lorsque tu discutes avec lui, eh bien, il va avoir un moment d'inattention dans lequel il va dire une chose qui est totalement le contraire de ce qu'il a dit juste avant ou quelques temps avant. Et c'est là où tu décèles son mensonge. Or, celui qui est véridique, celui qui est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut être en contradiction car il ne ment pas et n'a jamais menti sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont dit que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire, c'est-à-dire lisez pendant la prière de l'Fajr une lecture longue. Lisez longuement et si vous pouvez lire jusqu'à ce que le soleil, jusqu'à ce que le ciel jaunisse, alors la récompense sera encore plus grande. Et pour résumer le khilaf des savants, sur le hadith Asfiru bil Fajr, faites le Fajr lorsque le ciel devient jaunâtre, Al-Hanafiyya ont compris que c'est, on doit faire la prière, ou que Al-Isfar est le début de la prière. Et les autres savants ont dit que ce doit être justement la fin. Ce ne doit pas être au début, mais à la fin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait pendant Salat al-Fajr une prière longue. Et c'est l'une des prières les plus longues du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants qui disent également que ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de lire longuement, ils utilisent athar authentique de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, rapporté dans le Bayhaqi et avec une chaîne de transmission authentique, dans lequel Abu Bakr radiyallahu anhu, durant, et ça l'auteur ne l'a pas cité, c'est un plus, durant son califat, a présidé la prière de l'Fajr et a lu pendant celle-ci ou durant celle-ci une longue prière, une longue lecture. Dans certaines versions de Muwatta, Abu Bakr radiallahu anhu aurait lu Surat al-Baqarah entière. Et il a lu et était en prière jusqu'à ce que le soleil se soit presque levé. Et lorsqu'il a terminé sa prière, les gens sont venus le voir et ont dit: oh Abu Bakr, le soleil a failli se lever. Le soleil a failli se lever. Et Abu Bakr radiallahu anhu a répondu en disant: لو طلعت لم تجدنا غافلين. Si le soleil s'était levé, il ne nous aurait pas trouvé insouciants. Autrement dit, si le soleil s'était levé, comment est-ce qu'il aurait trouvé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pendant la prière, il ne les aurait pas trouvés endormis ou insouciants ou faire d'autres choses en délaissant la prière. Non, il les aurait trouvés en prière, c'est-à-dire en adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela prouve la compréhension d'Abu Bakr radiallahu anhu, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man adraka raka'atan faqad adraka as-salat, ou comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a accompli une raka'at à l'heure, alors il a accompli l'ensemble de la prière. Donc même si le soleil s'était levé, est-ce que cela aurait été autorisé ou pas? Oui, car ils auraient commencé la prière de l'Fajr avant, pendant son heure, et même mieux encore, au début de son heure. Et c'est ce que c'est l'avis le plus fort, il n'y a aucun doute. Et beaucoup de hadiths rapportés notamment par Al-Bukhari et Muslim citent de façon claire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pendant, au moment de l'Ghalas, à savoir au début de l'heure de l'Fajr. Ma yukhadu min al-hadith. Ce que l'on retient du hadith: awalan istihbab al-mubadarati ila salati subhi fi awwal waqtiha. Premièrement, il est préférable d'accomplir la prière de l'Fajr au début de son heure. ثانياً جواز إتيان النساء إلى المساجد لشهود الصلاة مع الرجال مع عدم خوف الفتنة ومع تحفظهن من إشهار أنفسهن بالزينة. Deuxièmement, l'autorisation aux femmes de se rendre à la mosquée pour prier avec les hommes, à condition qu'il n'y ait pas de tentation et à condition que les femmes se protègent, se préservent et ne montrent pas leur beauté. Et ceci est prouvé par la parole de Aïcha radhiyallahu anha, que les femmes des compagnons radhiyallahu anhu, comment elles sortaient ? Recouvertes et enveloppées d'un tissu qui était parfois de laine. Et un tissu de laine, c'est, ou le tissu de laine est l'un des tissus les plus épais. Et une personne enveloppée dans un tissu épais comme celui-ci, est-ce que tu distingues quelque chose de lui ? Non. Tu distingues à peine ses formes. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك